Ce vendredi, à La Vie en BD, des moments de maman avec Anne-Marie Duprat et Bach, le travail de M et Ariel mis à l'honneur dans le dernier Zidara 9, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Et cette semaine, ben, notamment en deuxième moitié d'émission, en fin d'émission, il y aura Marco Duchesne, nos libraires en résidence, qui viendra faire un tour pour nous proposer quelques commentaires BD. Et également, on va proposer de la deuxième partie, on va profiter en fait de la deuxième partie de l'émission pour faire un peu de découverte, aller jaser avec des auteurs que vous avez peut-être eu l'occasion de lire dans différents collectifs, puisqu'ils y sont présente dans plusieurs cas, dans quelques occasions. Et ben dans le fond, de profiter de la sortie du 10e volume de Zidara 9 pour ben échanger peut-être un peu plus longuement avec eux, évidemment autour de cette collaboration-là, mais de manière également un peu plus large. Alors, il s'agit d'Ariel et de M. Alors, ce sera en deuxième moitié d'émission. Également, tout à l'heure, on va jaser d'une bande dessinée qui s'appelle « Moment de maman », qui est arrivée du côté des éditions de l'Homme. Et ben enfin, en même temps, ça nous permettra de faire un peu une correspondance, puisque le mois dernier, je pense qu'on ouvrait notre saison en parlant de la paternité vue du point de vue paternel, c'est ce qui est quand même relativement rare. En termes de bande dessinée, à tout le moins, il y a eu, je pense, une bande dessinée à la pastèque il y a quelques années qui nous proposait ce point de vue-là, mais il n'y en a pas des masses qui sont arrivées du côté québécois. Parallèlement, il faut dire que le point de vue maternel, lui, est quand même un peu plus présent. La mère indigne a d'autres univers qui ont été proposés dans la sphère BD au fil des années. Et dans ce cas-ci, ben, c'est l'univers d'Anne-Marie Duprat, une blogueuse, une chroniqueur, une humoriste qui s'intéresse évidemment à cet univers-là qui est le sien. Alors, on va en parler avec elle et avec également la dessinatrice Bach qui s'est alliée à elle pour la proposition de cet album. Et on parle ici d'une mère monoparentale. Alors, c'est un peu la valeur ajoutée de tout ça. Alors, on va en jaser tout à l'heure. Alors, c'est un peu le menu de l'émission cette semaine en version peut-être un peu plus détaillée. Dans l'actualité BD cette semaine, ben notamment, c'est sorti ce matin une belle nouvelle. L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a décerné un peu plus tôt ce matin, donc par voie de communiqué, le prix de la critique de la bande dessinée québécoise 2016. Alors, ça a été décerné à La femme aux cartes postales de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement, un album publié aux éditions La Pastèque. Alors, les raisons évoquées par les votants de l'association, et ben c'est essentiellement, et j'ouvre les guillemets, pour sa qualité exceptionnelle sur tous les plans, notamment celui de l'intrigue. Alors, je rappelle que l'album met en scène Rose, une jeune femme qui, à la fin des années 1950, quitte son village de Gaspésie avec le rêve de briller dans le prestigieux et dans les prestigieux cabarets montréalais. Envoie aussi ses lecteurs dans les années 2000 autour d'une maison abandonnée dans ce même village gaspésien, une maison qui est désormais mise aux enchères et dans laquelle se cache un secret. Évidemment, en fait, pour avoir lu l'album et pour avoir participé au vote, je dirais, c'est un honneur qui est largement mérité pour Jean-Paul Hyde et Claude Paiement, un album qui est véritablement abouti à tous les niveaux. Un album presque de virtuosité au niveau de la recherche historique, de la présentation, de la recherche visuelle, entre autres éléments. Et un album qui, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, mais que vous connaissez, surtout dans la sphère BD, on en parlait avec Jean-Paul Hyde l'an dernier, la saison dernière, en fait, où il nous disait que cet album-là est peut-être plus représentatif du travail illustration qu'il fait actuellement, mais en sphère BD, on l'a surtout connu ces derniers temps avec Jérôme Bigra. Il nous avait offert Le fond du trou il y a déjà quand même plusieurs années. Alors, c'est vraiment un autre visage du travail de Hyde qu'on découvre avec cet album-là. Véritablement un coup de maître, en fait, pour moi, selon moi, et visiblement, mais selon aussi les plus de 80 journalistes qui sont membres, journalistes et critiques, qui sont membres de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, donc en Belgique, en France, au Québec et ailleurs. Ah ben voilà. Donc, félicitations à Jean-Paul Hyde. Sinon, autre nouvelle, peut-être dans un registre un peu plus tristounet, si on peut dire, le dessinateur de comics britannique Steve Dillon est décédé le 22 octobre dernier, et ce qu'a annoncé d'ailleurs le scénariste Warren Ellis. Donc Dillon avait 54 ans, raison de sa mort qui n'ont pas été dévoilées. Dillon avait démarré sa carrière à 16 ans en travaillant chez Marvel au Royaume-Uni, et il était surtout connu pour avoir lancé avec Garth Ennis les séries Hellblazer et Preacher chez Vertigo, puis ensuite pour avoir fait renaître le Punisher chez Marvel. Il a reçu de nombreux prix, dont entre autres le prix Eisner de la meilleure série en 1999 pour Preacher. Et autre nouvelle, peut-être un peu dommage aussi, vous avez peut-être entendu parler de la maison indépendante d'édition du côté de la France, Ego Comics. Eh bien, la petite maison a décidé de cesser ses activités, a jeté l'éponge essentiellement. Un message assez court qui a été publié sur le site internet d'Ego Comics par Loïc Néhoux, dirigeant de cette maison d'édition qui avait créé en 1994. Il dit, je cite, « Bon, il est temps d'officialiser les choses, voici 5 ans que je ne me salarie plus et 2 ans que j'ai arrêté de publier des livres. » Je déclare donc que les éditions Ego Comics cessent désormais leurs activités. Alors, Ego Comics était spécialisé dans la bande dessinée autobiographique, intimiste, introspective. Les ouvrages qu'il avait proposés au fil des années avaient été primés d'ailleurs plusieurs fois au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, notamment pour le coffret journal de Fabrice Neu en 1997. Du côté québécois, ben, il avait notamment offert une belle réédition de la série Mélodie de Sylvie Rancourt, série quand même incontournable, je pense, pour les amateurs de BD québécoises. Et parallèlement, on parle d'un catalogue d'à peu près 80 titres, signé entre autres Mathieu Blanchin, Frédéric Boilet, Jean Teulé, Joe G. Pinelli, Xavier Musa, Yoshi Haru, Tsuj, etc., etc., etc. Alors voilà, pour cette petite tournée d'actualité, on s'en va maintenant en musique et la formation qui nous accompagne cette semaine, eh ben, c'est Ilaké, avec un album qui s'appelle Light Industry. On en écoute un premier extrait. Et toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble de nos émissions sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook pour être tenu au courant de l'actualité BD québécoise. Alors sur facebook.com/La Vie en BD. Alors on commence à porter un regard donc sur une sortie qui est arrivée il y a un peu plus d'un mois environ. Ça s'appelle Moment de Maman. C'est une bande dessinée qui nous est offerte du côté des éditions de L'Homme par Anne-Marie Duprat et Bac. Et les deux sont avec nous, l'une en studio. Bac, bonjour. Bonjour. L'autre au bout du fil, Anne-Marie Duprat, bonjour. Allô. Ouf, elle est là. Salut Anne-Marie. Alors, essentiellement, dans le moment de maman, c'est un peu, pour Anne-Marie Duprat, du moins, j'ai l'impression que c'est une extension de l'univers que vous portez déjà par les blogs, par vos écrits, par ce que vous faisiez d'autre. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir le désir, peut-être, de faire une extension de cet univers blog, web télé et autres vers la bande dessinée? Ben, en fait, c'est à la demande des éditions de l'Homme. En fait, ils m'ont fait une belle offre. J'avais déjà des livres avec eux, puis ils m'ont dit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter éventuellement de faire une bande dessinée? Puis moi, c'est quelque chose que j'adore, la bande dessinée, mais j'ai malheureusement pas le talent de faire les dessins. Mais j'ai un peu le talent du scénario, parce que j'ai fait beaucoup de courts-métrages, je suis en humour. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être une belle occasion d'adapter la web-télé que j'avais fait de Maman de Maman. Puis, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai repris l'histoire, puis finalement, j'en ai écrite beaucoup de nouvelles. Mais moi, je ne signe que les textes. Les magnifiques dessins, heureusement, ne sont pas de moi. Et justement, en fait, c'est aussi l'éditeur qui vous a amené vers Bac, ou c'est un peu vous qui aviez lu ces albums? Ben, c'est moi qui connaissais déjà le travail d'Estelle, qui, quand on m'a proposé la bande dessinée, j'ai dit, est-ce que je peux approcher quelqu'un que j'aime beaucoup? Puis on dit, ben écoute, essaie-toi, on n'a rien à perdre, puis sinon on magasinera quelqu'un d'autre. Puis moi, tout de suite, j'ai contacté Estelle, parce que j'aimais vraiment, vraiment ce qu'elle faisait, puis je trouvais que c'était très diversifié. Donc, je savais aussi qu'elle m'offrirait des dessins qui ne seraient pas les mêmes dessins que je verrais ailleurs. Puis j'ai eu la chance qu'elle dise oui, mais moi, ça a été mon gros coup de cœur, donc j'espérais vivement qu'elle dise oui. Donc, j'imagine, en approchant comme ça avec du miel, Bac, on s'est un peu obligé de dire oui. Je dirais plutôt que c'est du chocolat, non, mais du champagne. C'était quoi la question? Donc, qu'est-ce qui t'a amené à accepter l'invitation d'Anne-Marie? Ben, en fait, Anne-Marie, c'est ça, elle m'a envoyé elle avait déjà des petites capsules qui étaient Maman de Maman, en fait, des petites vidéos comme ça avec ses enfants, puis elle m'a envoyé ça, je les ai regardées, puis je trouvais ça très, très comique, puis tout de suite, j'ai vu un peu comment on pouvait mettre en bande dessinée, tout de suite, je l'ai imaginé découper, puis oui, tout de suite, ça m'a inspiré, puis je me suis dit, allons-y. Oui, parce que, en fait, je reviens un peu à ce que j'avais lancé au départ, Bac, dans la mesure où c'est un univers qui était déjà, qui est présent visuellement, qui est déjà présent narrativement, donc qui existait, donc c'est un peu pour toi de t'approprier l'univers d'Anne-Marie, d'essayer de voir comment tu peux le mettre à travers ton trait, à travers ton dessin, mais quand même, c'est une certaine appropriation aussi d'un matériel déjà existant. Bien sûr que je faisais déjà un peu de bande dessinée autobiographique, ça va toujours un peu dans le même genre, puis en fait, j'avais envie d'essayer ça, justement, travailler avec quelqu'un plus à la scénarisation, essayer d'autres chose, puis je pense que ça fonctionne bien, donc c'est quand même bien. Oui, on est vraiment contents du résultat, puis on a beau pas être dans la même ville avec Internet aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir communiquer ensemble qu'on pourrait toujours s'ajuster l'une l'autre, que ce soit au niveau du texte, au niveau des dessins, puis on trouvait toujours un juste milieu. C'était vraiment très facile pour nous de travailler malgré la distance. Ben oui. et là-dessus, ben, par exemple, j'imagine qu'on va se dire, ben, par exemple, le personnage d'Anne-Marie Duprat, dans l'avatar, en fait, d'Anne-Marie dans la BD, c'est une femme un peu, ben, en fait, je veux dire, en pyjama, avec les cheveux, donc on se donne un peu, j'imagine, on se dit, ben ok, c'est un peu la représentation qu'on veut, que vous vouliez de votre côté, Anne-Marie, oui. Que vous avez demandé à Bac. On en avait même parlé, parce que moi, je savais que ce que les gens aiment de mon personnage, d'Anne-Marie Duprat, qui est comme moi, mais en plus le fun, là, c'est que je suis vraiment ce qu'on appelle la « girl next door ». Tu sais, je suis la fille qui se présente comme elle est, sans flasque-là. Puis c'est important pour moi de garder cet esprit-là, surtout qu'on parle d'une maman qui est monoparentale, qui a la broue dans le poupette. Tu sais, quand tu te maquilles, c'est à peu près au réveillon du jour de l'an, puis c'est tout. Puis c'était important pour moi. Même Estelle m'avait dit, ça te dérange pas que ce soit un peu bordélique dans la maison. Puis j'ai dit non, au contraire, donne-toi dans le bordel, parce que chez nous, c'est le bordel. Une vraie vie de maman, là. Exact. Donc d'une certaine manière, on donne un peu un cadre, puis après ça, c'est Estelle qui prend un peu la relève pour les décors, pour la mise en scène, si on peut dire, des scénarios qui ont été proposés, ou? En fait, Anne-Marie a vraiment écrit les textes pratiquement complet, si je peux dire. Puis en fait, ça, moi, mon travail, c'était vraiment de donner ma vision de façon visuelle, finalement. C'est une drôle de phrase, mais en tout cas, d'imaginer de quoi ça pourrait avoir l'air en dessin. Donc, en fait, c'est ça, je m'amusais avec ça, puis rajouter quelques expressions par-ci, par-là, puis m'amuser à mettre des bas qui traînent un peu plus. Puis oui, parce que j'imagine que de la web-série à la BD, il y a des principes d'humour qui restent les mêmes, mais en même temps, il y a des notions de timing, le jeu de silence, par exemple, les cases vides, les réactions qui sont pas exactement les mêmes ou codifiées de la même façon en BD. Alors, comment se fait un peu, ben, autant pour Anne-Marie, peut-être le passage côté scénario, puis pour Estelle aussi, l'accompagnement, peut-être, d'une certaine manière, de ce qui est pour Anne-Marie Duprat, une première BD? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Moi, il a fallu vraiment que j'apprenne à scénariser de cette façon-là. Mais j'en ai lu beaucoup quand j'étais jeune, j'en ai regardé d'autres, puis j'étais très rassurée dans le fait que je savais que de toute façon, Estelle allait me guider là-dedans. Moi, j'avais dit, tu sais, je suis très confiante dans... Ben, très confiante, mon Dieu, ça n'a pas l'air rien, là, mais je suis confiante dans super mes textes, confiante. Dans mes chutes. Mais j'ai dit, toi, je sais que tu as la science de la bande dessinée, puis je veux que tu sentes que tu as carte blanche par rapport à ça, et que tu n'as pas peur de me dire, ah, oh, ici, il faudrait peut-être une mimique, un silence, un ci, un ça, parce que elle connaît ça par cœur, puis c'est, pour moi, c'est un art en soi, la bande dessinée, puis je ne l'ai pas m'improviser non plus là-dedans. Donc, tu sais, j'ai donné un canevas en lui disant, là, tu pars de ça, et après ça, je te fais confiance là-dessus. Parce que effectivement, c'est pas exactement le même rythme. Tu sais, je veux sûrement être meilleure pour la deuxième si on a une deuxième, mais c'est une première. Puis quand c'est une première fois, ben c'est ça. Tu sais, on s'improvise un peu. Mais c'est vrai qu'en effet, en bande dessinée, le timing n'est pas le même. C'est vrai. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup utiliser les silences en bande dessinée. Je crois que c'est nécessaire même pour mettre des pauses, accentuer une expression, accentuer le gag justement. C'est super important. Donc, c'est vrai que souvent, quand on fait des vidéos, on n'en met pas beaucoup. C'est quand les gens regardent la télévision, souvent ils veulent l'action tout de suite là. Donc le silence est peut-être moins de mise. Ouais. C'est drôle. Je dirais que c'est pratiquement le point principal entre la scénarisation plus télévision puis bande dessinée. Parce que je fais pas de scénarisation télé, mais j'ai l'impression que c'est ça un peu. Oui, sûrement. Et j'imagine que c'est un peu pour ça, d'ailleurs, côté dessin, ben, qu'on exploite un peu le côté expressif de tes personnages, des yeux qui sont quand même assez dominants, la bouche aussi. Donc, on peut exploiter un peu là-dedans. Puis, en même temps, ben, pour le lecteur, ça nous permet aussi de bien saisir c'est quoi qui se vit, puis c'est quoi la gamme d'émotions que les joies maternelles peuvent nous amener. Ah, puis moi, j'étais impressionnée par ça, parce que pour moi, un dessin, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est là que s'arrête mon talent, ou à peu près. Puis, des fois, je recevais les dessins d'Estelle, puis j'étais vraiment impressionnée par les expressions qu'elle arrivait à donner avec un dessin quand même qui est pas un dessin qui est simple, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, ça demande des petites cases avec des bonhommes, puis pourtant il y avait tellement d'expressions. Mm-hmm. Les yeux pleins d'eau d'Alicia, là, je trouvais ça là, fabuleux, j'ai moi-même presque pleuré tellement je trouvais ça cute. C'est le monde, c'est la première fois qu'Alicia pleure et que c'est cute de même. Mais je le dis à tout le monde, c'est moi, Alicia, c'était vraiment mon personnage préféré à dessiner. Là. Je me suis amusée. Je pense que ça paraît un peu dans la BD aussi. Là, pas oui. Anne-Marie, j'aimais ça de dessiner aussi. Mais Alicia, je sais pas, c'était comme la petite fille cute que j'aimais ça y mettre des expressions. Puis il faudrait toujours que, quand t'es un enfant, c'est toujours exagéré. Puis c'est tout le temps plus intense. Donc moi, je me suis bien amusée avec ses petits cheveux en pompons. Moi, je trippais. Dans la comédie, il faut pas avoir peur d'aller dans l'exagération. Ben, c'est tellement, tellement payant. Donc, on a des super belles expressions, mais ça demeure crédible, parce que c'est ça qu'on me dit tout le temps. Les mamans arrêtent pas de me dire, oh mon Dieu, on se reconnaît tellement, c'est tellement drôle, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été émue. Les mamans se reconnaissent vraiment beaucoup, fait qu'on est allé juste à la limite, j'imagine. Oui, puis comme de toute façon, dans la vie, les enfants sont déjà assez théâtrales. Donc. Oui. Donc, c'est, il n'y a qu'un pas à les théâtraliser un peu plus en BD, mettons. Exact. En effet. Exact. Et justement, en fait, je mentionnais dans l'introduction, il y a quand même beaucoup de bandes dessinées qui s'intéressent à la maternité, à la paternité de BD, de matériel vidéo, et de matériel télé, et de matériel livre et le reste. Alors, de quelle manière on réussit peut-être à Anne-Marie Dupré à se distinguer dans un créneau comme celui-là où les gens ont quand même une gamme de choix assez large, assez vaste, là? Moi, je me suis dit que ce qui allait me distinguer, et probablement ce qui me distinguait aussi dans la web série, c'est-à-dire que j'ai un mode de vie quand même particulier, du fait que là, maintenant, je suis en couple, mais c'est quand même récent. J'ai été très longtemps monoparentale avec deux enfants de deux papas et de deux couleurs différentes. Fait que j'avais une famille quand même pas tout à fait typique. En plus, mon métier n'est pas typique non plus. Je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de répartie puis qui a une façon assez aigre-doux d'élever mes enfants. Donc, je savais que dans mon discours, ma façon de dire, j'allais me démarquer un peu. Je l'avais vu avec Maman de Maman, qui a quand même eu un beau succès tant au niveau du blog que de la web-série. Puis je me suis dit, tu sais, la famille 2.0, c'est ça aussi. C'est deux enfants de deux papas, de deux couleurs, les parents qui sont séparés, qui ont refait leur vie. Mon beau-père est chinois. Tu sais, c'est l'ONU dans une famille ou à peu près. Là. Fait que je me disais, c'est important de voir aussi des gens qui ont des dynamiques familiales différentes. C'est important pour que les mamans puissent se reconnaître aussi. J'ai beaucoup, beaucoup de mamans qui m'ont écrit, qui ont des petites filles ou des petits garçons qui sont métisses. Puis ils étaient contents d'enfin voir une maman d'une couleur différente de son enfant parce que nous, on le sent là, qu'on est différent de nos enfants, puis on s'en fait parler tout le temps. Fait que c'est important de pouvoir le représenter des fois, puis je pense qu'on a bien réussi à le faire. Et j'ai l'impression, je me posais la question en préparant l'entrevue sur la raison derrière l'abondance de ce type de propos-là, de sujets-là, avec différents axes. Et j'ai eu l'impression, je me suis dit, c'est quand même pas évident d'être parent, et c'est peut-être, en fait, ça permet, comme parent, de dédramatiser un peu ce qu'on vit à travers la manière humoristique que d'autres comme vous, dans le fond, ont de raconter, dans le fond, ces moments quotidiens-là qu'on en vient à partager tous un peu. Oui, ben je pense qu'on on montre là-dedans aussi notre valeur principale. Je pense qu'Anne-Marie aussi, c'est la valeur principale, mais l'autodérision, je crois que c'est super important. Puis je pense que ce genre de bande dessinée-là, c'est vraiment ça qu'on utilise. Puis je pense que ça fait du bien aux gens de justement dédramatiser, voilà. Et donc voilà, donc je crois que les gens aiment ça se reconnaître, puis justement, c'est se sentir bien là-dedans, faire « yes, je suis pas tout seul », tu sais, puis... Exact. Ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment beaucoup ça, c'est de se reconnaître là-dedans, puis de pouvoir en rire, comme une des pages, c'est les enfants qui s'obstinent à savoir lequel des deux j'aime le plus. Tous les parents ont connu ça à un moment ou à un autre, on a tous eu des façons différentes de répondre à la question, mais je pense que la mienne est quand même assez originale et ça fait rire le monde parce qu'ils ont tous vécu ça, les parents. Puis si on n'est pas parents, on l'a vécu quand on était petit. On a tous demandé à notre père ou notre mère, c'est-tu moi que t'aimes le plus? Donc, on se reconnaît d'une manière ou d'une autre, que ce soit en parent ou en tant qu'ancien enfant. Oui, puis même, je pousse un peu plus loin, dans la mesure où même la réaction des enfants, je la trouve aussi viable, dans la mesure où on imbrique un peu notre sens de l'humour chez nos enfants. Et donc, à la longue, ils finissent par comprendre c'est quoi les blagues de leurs parents, puis ils réagissent en fonction de ça, mais quand ils comprennent pas c'est quoi encore, ben ils vont réagir aussi d'autres manières, donc j'ai trouvé intéressant aussi à plusieurs niveaux ce gag-là. Parce que ça prend une certaine maturité pour avoir de l'humour, puis pour comprendre l'autodérision. Ouais. Moi, je l'ai vécu avec mes deux enfants, puis des fois, c'est mon fils qui me disait « Maman, Alicia, elle est trop petite, elle comprend pas. Moi, je ris, mais elle a pleure, puis... » J'ai fait « Ah, c'est vrai, elle n'a pas encore l'âge. » Parce que moi, je suis toujours dans ce genre d'humour-là. Le deuxième niveau, donc, c'est pas toujours... Oui. Ça prend un petit peu là, de temps à l'apprendre, je pense. Mais les deux l'assimilent très, très bien. On est une famille qui est pas mal comique. Mm-hmm. Pas très ordinaire, ça, c'est sûr. Et doublement pas très ordinaire. Et je relance aussi peut-être avec Anne-Marie Duprat, mais aussi avec Bac, dans la mesure où, dans vos deux cas, donc que ce soit « C'est pas facile d'être une fille 1-2 » ou dans ce cas-ci « Maman de maman » et « L'univers, maman de maman », ben c'est essentiellement... vous êtes votre principale source de récits dans ces livres-là, dans ces récits-là. Donc, est-ce que ça vient changer peut-être un peu la manière dont on regarde le quotidien, dont on réfléchit le quotidien en disant, mais ok, je vais peut-être avoir à raconter ça ou on prend des notes, je sais pas. Puis en même temps, dans la relation aussi qu'on peut avoir avec le lecteur, parce que c'est un peu notre vie qu'on exagère. Donc, est-ce que ça vient changer un peu des choses? Est-ce qu'il y a un plaisir à s'utiliser comme matériel de base dans le fond? Ben, dans mon cas, je veux dire, ça change pas ma vie. Là. Je vais pas m'arranger pour avoir des gags puis provoquer les gens afin d'avoir des bonnes histoires. Mais dès qu'arrive quelque chose, c'est sûr que je vais le noter. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'avant, je traînais un cahier. Maintenant, c'est plutôt mon téléphone que j'ai toujours avec moi. Puis je prends toujours des notes, quitte à avoir juste une petite phrase. C'est sûr que c'est comme si on travaillait. Je sais pas pour Anne-Marie, mais en tout cas, dans mon cas, je veux dire, j'ai toujours l'impression de travailler. Parce que mon cerveau fonctionne toujours à « Ah, oh, est-ce que ça ferait un bon gag? Est-ce que ça... » Tout le temps. Ça devient un peu fatigant des fois, là. Ah, vraiment. J'aimerais arrêter de penser le même des fois. Quand je me couche, les hamsters font une espèce de bilan de la journée, voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. Mm-hmm. Parce que j'écris aussi, là, je suis en écriture pour la télé, puis c'est un peu inspiré de ma vie aussi. Donc oui, on est toujours en train de travailler, mais quelque part, je trouve que quelque chose qui est bien là-dedans, c'est que quand il y a des choses qui m'arrivent qui sont moins fun, qui sont peut-être même plus dramatiques, ça amoindrit, on dirait, la douleur de me dire, ben ça, un jour, je vais pouvoir l'utiliser d'une autre façon, je vais peut-être même en rire. Fait que moi, ce qui m'arrive dans la vie, je le vois souvent comme l'univers qui m'envoie des pistes de gags. Donc, ça m'aide à mieux encaisser les coups de temps en temps. Puis moi aussi, je prends beaucoup, beaucoup de notes, surtout les mots d'enfant. C'est important de les prendre comme ils sont dits parce qu'il y a une finesse, des fois, une innocence chez les enfants que nous, on peut pas retraduire après avec nos gros cerveaux là, d'adultes. Là. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes et j'ai continué d'en prendre longtemps. J'en prends encore même aujourd'hui. Parce que je me dis s'il y a d'autres tomes ou ça va finir dans d'autres livres. Mais c'est sûr qu'il faut les prendre, les notes. En tout cas, moi, j'ai pas de mémoire. Fait que si je prends pas de notes, ça finira jamais le livre, c'est sûr. Et Anne-Marie, est-ce qu'on a le recul aussi de se dire, ben quand les enfants vont être un peu plus vieux puis qu'ils vont commencer à lire ce que j'ai écrit, à écouter ce que j'ai écrit, comment ils vont se voir ou se percevoir comme personnage dans cet univers-là? Ben c'est sûr que j'y ai pensé parce que tu sais je voulais être sûre que ça soit un beau cadeau que je leur laisse en faisant cette bande dessinée là. Quand j'ai fait mon blog, ma web série, ça a toujours été important pour moi de respecter mes enfants là-dedans. Quand mon fils a été plus vieux, il a dit là j'ai plus envie, je veux pas être à la caméra tout ça. Puis j'ai fait ben il y a pas de problème. C'est sûr que moi ça changeait un peu mes plans, mais je voulais pas l'obliger non plus. Fait que c'est important pour moi de les respecter, qu'ils se trouvent beaux, qu'ils se trouvent drôles, mais qu'ils voient qu'on a tous des défauts aussi. Puis moi, j'ai vu leur réaction quand ils ont vu les dessins, ils ont été super émus, ils sont très, très fiers. Puis je me dis, quel bel héritage pour eux de pouvoir revoir ça dans quelques années, même de les regarder avec leurs propres enfants. On a un petit arbre généalogique au début de la bande dessinée, mine de rien, c'est vraiment notre famille pour vrai. Il y a que les noms des papas que j'ai changés. Pour eux, c'est un album, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de prix, là, pour eux d'avoir ces dessins-là. Ils sont vraiment ravis, mm-hmm. Ils sont vraiment contents. Ben, même moi, dans mon cas, en le dessinant, je me disais, tu sais, je le faisais un peu. Pas juste pour ça, mais je me disais toujours en fond de pensée que justement c'était un cadeau que je donnais à tes enfants parce que. Ah, oh, vraiment? Ben, justement, parce que, ben, c'est sûr que j'ai peut-être plus, ben, pas d'attachement envers Alicia, mais tu sais, je sais que déjà elle aime vraiment beaucoup les dessins que je fais, puis que les filles modèles, c'est comme les couvertures que je fais des filles modèles, elle aime ça vraiment beaucoup, puis donc c'est sûr que je pensais particulièrement à elle quand je le faisais, je me disais, oh, je pense qu'elle va vraiment aimer ça, lire ça, tu sais. Mais il semble que moi, en tant que petite fille, j'aurais vraiment aimé ça, là, ça aurait été un trip incroyable. Donc c'est sûr que j'avais un peu ce pensée-là aussi. Là. Mm. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques histoires là-dedans qui sont vraiment arrivées. T'sais, la plupart sont arrivées. Des fois, c'est juste les noms qui sont changés, les rôles, pour que ce soit redondant. Mais il y en a qui ont lu et qui ont dit « Ah oh, oui, je me souviens quand c'est arrivé. » Fait que pour eux autres, c'est vraiment comme un double souvenir. C'est comme un film, mais en plus beau. Et ben, les auditeurs sont invités donc à plonger dans l'univers de cette famille-là. Je rappelle, donc ça s'appelle « Le moment de maman ». Alors, ben, Bac, Anne-Marie Duprat, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, Anne-Marie Duprat, qui était scénariste sur cet ouvrage, Bac, dessinatrice, et donc c'est aux éditions de L'Homme. Toujours à l'antenne de CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On continue à parler bande dessinée et ben avant de plonger vers la suite de l'émission, on fait une petite parenthèse critique, tiens, puisqu'on parlait d'enfants il y a quelques instants, mais pourquoi pas parler de livres également, de livres jeunesse. J'en ai reçu deux assez jolis d'ailleurs tout récemment cette semaine, et je sais pas, il y a quelque chose dans le dessin dans les deux cas qui m'ont comme donné envie de les feuilleter un peu plus avant, et ça assez rapidement. C'est une nouvelle collection en fait, collection Mousse, du côté de, voyons je retrouve le nom de l'éditeur, du côté de Bayard en fait. Donc c'est une bande dessinée qui s'appelle Tin et Junior, où on suit deux adolescents qui se retrouvent dans une aventure un peu abracadabrante en plein cœur de New York. Donc essentiellement, ils prennent un tunnel, finalement c'est un égout, finalement ils sortent à New York et ils vont voir un film, et là c'est King Kong le film, et finalement King Kong sort du film parce qu'il est tanné de jouer dans ce film-là, parce que dans l'univers qui nous est présenté, ben c'est un peu comme si les films étaient perpétuellement réinterprétés à chaque visionnement par leurs comédiens, et lui ben il est un peu tanné d'être là, donc il aimerait retourner chez lui. Donc, c'est Les Vacances de King Kong. C'est par Ingrid Chabert et Brice Follet. Et l'autre, Ultraviolette, d'Anne Loyer et Anaïs Nocera, où là, on suit une enquête un peu à caractère enfantine. Donc, Oui, une fillette pleine d'énergie, d'imagination, peut-être un peu trop, commence à se monter un scénario aussi abracadabrant autour d'une nouvelle voisine qu'elle a. Et ben, t'imagines qu'elle est une sorcière et qu'il y a des parties de corps qui sont cachées chez elle et le reste. Alors, ça donne un peu le ton. Et dans les deux cas, c'est des bandes dessinées qui roulent très, très vite, de manière peut-être plus linéaire, j'ai l'impression, pour Tin et Junior, pour les vacances de King Kong. Donc, ça suit, c'est clair. Il y a un peu de confusion sur pourquoi certaines choses se passent, mais en même temps, je pense que l'objectif n'est pas d'expliquer. Donc, on passe rapidement donc du tunnel, oups, on sort à New York, c'est comme ça, King Kong sort, c'est comme ça, et ça va, ça suit, ça va rapidement. Du côté du Traviat, c'est un peu la même chose, mais on essaie quand même de plonger peut-être un peu dans le flot de pensée de cette fillette-là, et le flot de pensée de la fillette va quand même un peu partout, beaucoup de dialogues, donc c'est peut-être en fait pour un jeune lecteur ou un lecteur débutant peut-être un peu plus difficile à suivre, parce qu'on se retrouve vraiment à travers donc la vision de cette jeune fille-là, donc c'est peut-être un peu plus complexe de ce côté-là. Là, encore là, si on joue le jeu des comparaisons au niveau d'un public québécois, Tin et Junior peut-être un peu plus facile, ne serait-ce que par le niveau de langage, dans la mesure où Ultraviolette est écrit peut-être en plus, il y a des termes d'argot ou des termes qui sont vraiment plus français, qui risquent de porter un peu à confusion, donc du côté du public québécois. Alors, si vous proposez cette lecture-là à vos jeunes, ben, attendez-vous à vous faire peut-être poser quelques questions sur certains choix de termes, certains choix de mots, certaines approches de formulation qui seront pas nécessairement familières. Du côté de Tin et Junior, ben là, on est beaucoup plus dans une langue internationale. Alors, c'est quand même deux albums que j'ai trouvé intéressants. Évidemment, vous devinez ma préférence pour un des deux. Au niveau du dessin, pour le premier, en fait, c'est il y a des belles séquences, des belles couleurs. En fond, on joue beaucoup avec les tons de mauve, avec des délavés notamment pour le sein. J'ai trouvé quand même assez intéressant. Donc, c'est plaisant à regarder. Pour Ultraviolette aussi, enfin, un style beaucoup plus graphique, très simple, très enfantin aussi dans sa facture, mais dans l'idée de l'enfance qu'on a, là, plus que dans l'exécution, parce que c'est quand même bien fait. Donc, visuellement, les deux sont assez intéressants également. Alors, si jamais vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, donc c'est collection BD Mousse du côté de Bayard, donc Ultraviolette et Tin et Junior. Alors, nous, là-dessus, on repart en musique, toujours ici au 89.1. On repart avec une autre pièce, donc, de cet album de IKAE, Light Industry Plus. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez suivre aussi La Vie en BD, on n'a pas parlé de Facebook et de la balado-diffusion. Vous pouvez également trouver mon blog sur voir.ca/Raymond-Poirier. Si vous voulez avoir un peu d'autres interprétations, regards et le reste autour toujours de la planète BD, que l'on appréhende tous ensemble de manière joyeuse. Et des nouveautés toutes récentes dans ce cas-ci, volume 10 de Zidara 9 qui a été publié tout récemment, qui est disponible évidemment sur différents kiosques. On avait parlé donc nouveau réseau de distribution pour le magazine, donc vous allez le trouver dans des tabagies, des panneurs et le reste, entre autres évidemment sur le web aussi. Et on avait envie d'en parler, de profiter aussi de la sortie pour porter un regard peut-être plus attentif sur le travail d'artistes émergents qui profitent entre autres de la tribune du magazine. On en a une d'entre elles avec nous, je dis elle aussi parce que chaque histoire ce mois-ci, pour cette édition, a aussi soit une scénariste, dessinatrice ou auteure féminine. Alors, Ariel, bonjour. Bonsoir. Alors, Ariel, peut-être lançons-nous sur l'histoire que tu proposes dans Zidara 10. Donc, tu t'intéresses à la Terre, tu te fais porter par des créatures extraterrestres, un jugement qui est quand même peut-être aussi, je dirais pas sévère, mais on pourrait dire ça, sur la planète. Qu'est-ce qui t'a lancé un peu vers, d'abord, ce type de récit-là, cette proposition de récit-là? Ben en fait, quand j'ai été approchée pour participer à Zidara 9, j'essayais de m'imaginer une histoire de science-fiction qui pourrait être originale tout en ne pas sortant des sentiers battus trop. Donc j'ai imaginé une histoire d'extraterrestre qui a l'air plutôt banale à premier abord. Mais le côté original que j'ai essayé d'amener, c'est une espèce de petite critique de la société. J'ai essayé parce que j'aime bien faufiler des petits messages un peu critiques sur mes points de vue, sur ces différents sujets, mais d'une manière ludique. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire avec Zidara 9, avec mes petits extraterrestres qui, finalement, vivent des choses un peu plus sérieuses que des petites histoires d'ovnis banales. Oui, puis même à la limite, en fait, en cours de route, et sans nécessairement vouloir, bon, ça reste une histoire courte, sans vouloir dévoiler de punch, mais à un moment donné, il y a un renversement où, finalement, on s'imaginait qu'il allait être des prédateurs, mais finalement, c'est pas nécessairement eux les prédateurs, au bout du compte, donc. Ben, j'essaye. Je pense que j'ai essayé de. Peut-être de faire apparaître l'être humain comme le prédateur en soi. Tu sais, la question se pose. Les extraterrestres, s'il y en avait vraiment dans le monde, s'ils viendraient nous voir, est-ce qu'ils se poseraient des questions? C'est qui les méchants? C'est-tu nous autres ou bien c'est eux, tu sais? Est-ce qu'ils nous trouveraient intéressants ou seraient un peu plus... disons, il y aurait un certain dégoût par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre manière de vivre, à notre manière de consommer, d'être, etc. Je pense que s'il y avait vraiment des extraterrestres qui nous observaient, ben on les entendrait rire de nous. Et à travers tout ça, en fait, peut-être au niveau narration, j'ai lu à quelque part, puis je trouvais que c'était aussi présent dans cette histoire-là, qui était particulièrement inspiré par les gens de la rue, par ceux qui sont près de nous avec leur passé, leurs blessures, leurs sentiments, puis qu'on joue un peu avec ce niveau-là, même dans la représentation justement des foules, entre autres, dans cette histoire-là, mais aussi dans d'autres histoires, c'est quelque chose qui semble t'habiter. Oui, ben écoutez, je prends beaucoup mon inspiration justement de la rue. Parce que moi, je suis une grande marcheuse, je suis piétonnière, assumée, puis je fais du vélo aussi. Puis je prends vraiment mon inspiration dans la rue parce que c'est le plus accessible. Tu vois une grande variété de personnages. T'as l'œil un peu attentif, tu vas voir des gens. Puis à partir de là, t'essaies d'imaginer un peu, ben sans prétention, voir, bon, c'est quoi leur vie peut-être, leurs problèmes. Et je trouve que il y a une grande variété de visages, de physionomie que tu peux trouver dans la rue qui est très intéressante à exploiter. Fait que oui, pour Sidara, j'ai essayé de, par les yeux des extraterrestres, de montrer un regard plus urbain. Mais urbain, en fait, tu parlais de faciès, et là, dans ce cas-ci, on va un peu vers le pire de ce que tu peux voir dans des promenades, tandis que dans d'autres histoires, ben, on va vers d'autres angles, évidemment, là, parce que les faciès sont exagérés, elles sont presque, je dirais, grotesques, grand-guignolesques, tout dépendant. Oui, oui, ben j'aime caricaturer jusqu'à la monstruosité, peut-être, oui. Ben je pense qu'il y a de la beauté puis de la laideur dans toutes les choses. Je m'amuse un peu à dessiner le lait, je trouve ça amusant à faire, oui. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose qui ressort, il y a une ambiance qui ressort de ces dessins-là, de cet ensemble de visages-là qui rend l'histoire peut-être justement plus encore un brin plus mémorable, peut-être aussi. Ben, peut-être pas tant mémorable que réaliste, je dirais. Et à travers ça, en fait, puisqu'en même temps, rapidement, tu nous amènes aussi vers le niveau de la rue, on part de l'espace, donc je me disais, il y a aussi cette dimension-là où tu nous amènes au niveau dans lequel t'aimes observer, puis tu te mets peut-être un peu à la place, mais comme tu disais tantôt, à la place de cet extraterrestre-là, d'essayer d'imaginer le regard qu'on pourrait porter, et... À travers ça aussi, il y a un jeu dans l'organisation de tes cases. Il n'y a pas une régularité. Tu joues un peu avec l'organisation des planches. Donc, on peut regarder la case, on peut regarder la planche. Des fois, des fonds noirs avec des pyramides de cases presque un peu. Donc, tu t'amuses un peu aussi avec cette structure-là. Tu te fais pas encarcaner par les cadres obligatoires de la BD. J'aime bien jouer avec l'éclatement. J'ai pas étudié dans une école de BD. J'ai pas étudié dans ce que je fais. Donc, je m'amuse vraiment à éclater les règles puis à faire ce que je veux. Puis juste à voir, bon, si je trouve ça beau, ben le lecteur risque de trouver ça beau quand même aussi. Puis en même temps, c'est très amusant à dessiner. C'est pour ça que je fais des caricatures. Les personnages, des fois, ont l'air laid, tellement c'est exagéré, mais c'est tellement le fun à dessiner. Puis pour en revenir à ce que tu disais avant, par rapport aux extraterrestres, je trouvais ça intéressant de prendre les extraterrestres parce que ça donne une distance dans le regard. Donc, tu peux voir le monde selon une distance. Ceux-là, ils ont pas les préconçus que nous, on voit tout le temps avec notre regard humain. Bon, je voulais m'amuser justement avec la distance et l'interprétation que ça pouvait me laisser, la liberté. Oui, puis c'est intéressant parce que, en fait, autant les humains, on les rend un peu plus grotesques parce qu'on porte un jugement quand même assez, carré, comme on disait, sur eux, mais d'un autre côté, les animaux, eux, sont rendus peut-être de manière un peu plus réaliste parce que ben le regard que les extraterrestres portent sur eux est moins négatif, peut-être, d'une certaine manière. Oui, ben finalement, on se rend compte, en lisant l'histoire, ben je vous laisse le punch, que les animaux sont peut-être moins pires que les humains, même si on se dirait, bon, en toute logique, c'est l'humain le plus intelligent, mais peut-être que non. Et au côté technique, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que cette BD-là, c'est assez représentatif de des styles graphiques que t'aimes travailler, des matières avec lesquelles t'aimes dessiner? J'ai fait une exception pour ce projet-là. En fait, je me suis pas aidée du tout parce que ça a rallongé le processus de beaucoup, mais j'ai fait la colorisation par Photoshop. Et les dessins, ben à l'encre, le crayonné, l'ancrage, je l'ai fait à la main, mais j'ai fait l'erreur ou l'exploration de faire les couleurs à l'ordi, donc ça a été plus long, mais c'est pas représentatif de ce que je fais habituellement. D'habitude, je reste vraiment plus dans un médium traditionnel, j'aime beaucoup l'encre de Chine, je travaille avec des plumes, des pinceaux. Donc c'était une espèce d'exploration, mais je vous dirais que d'un projet à l'autre, ce que je fais, c'est toujours très différent. Et justement, côté projet, on t'a vu dans Zidara, évidemment. On te voit aussi dans d'autres, je pense, Crémage, notamment, auxquels t'as collaboré. Donc, j'imagine un intérêt pour des artistes qui cherchent à faire un peu leur place ou à trouver leur place dans la sphère de la BD, de profiter de vitrines comme ça pour expérimenter, pour diffuser hors du web les propositions. Oui. Puis, justement, t'as mentionné web. La tendance, c'est au webcomic, mais moi, je suis une espèce de nostalgique dans la vie. J'aime ça avoir le produit fini sur papier. Donc, j'essaie de chercher un peu les collectifs qui ont le budget et la patience d'arriver à imprimer. Donc, j'ai participé à Zidara. En ce moment, je viens de terminer un projet pour Crémage que je veux beaucoup encourager parce que c'est un petit bijou des recueils de bandes dessinées amateurs au Québec en ce moment. Puis qui osent beaucoup parler thématiques aussi, somme toute, là, pour aller un peu vers l'univers de la sexualité. Oui. Il n'y en a pas des masses non plus. Non, c'est vrai. Mais on en a besoin. On en a vraiment besoin de ça. Puis Crémage, je l'encourage parce que c'est par la diversité des auteurs. Écoutez, il y a Jimmy Beaulieu qui est invité, qui a fait des petites bandes dessinées, des petites nouvelles pour Crémage. Autant à côté de petits auteurs qui peut-être dessinent pas dans la vie, mais qui ont eu envie de faire une petite histoire comme ça anodine parce qu'ils en avaient envie. Écoutez, Crémage, c'est ça, c'est vraiment un éventail de diversité. Chacun amène son grain de sel, sa vision particulière face à la sexualité. C'est ça que je trouve beau, c'est la diversité. Puis en même temps, pour toi, ça t'amène un terrain d'expérimentation. Donc, on a la thématique un peu pour Zidara, c'est la science-fiction. Là, on a la sexualité. Donc, ça oriente un peu la manière dont t'as envie d'expérimenter autour d'un univers graphique cohérent, mais dans le fond, de l'adapter, de l'amener vers différentes zones. Oui. J'aime jouer avec les styles. Pour Zidara, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus qui est numérique. Dans le style de dessin. Pour Crémage, c'est vraiment plus papier. On va sentir vraiment le trait de l'encre qui, je pense, qui est plus intime, qui fit bien avec le sujet, finalement. Et est-ce qu'il y a d'autres collaborations sur lesquelles tu t'en vas dans les prochains mois? C'est plutôt ou d'autres occasions de mettre la main sur ton travail aussi, parce que tu fais aussi dans l'illustration, dans du graphisme, tu l'entres dans beaucoup de médiums. Oui. Ben écoutez, je suis en train de vivre un petit boom dans ma vie artistique en ce moment. Sinon, les autres travaux qu'on peut voir que je fais, qui sont publiés sur Internet cette fois-ci, c'est sur le blog de musique écoutedon.ca. Je fais des critiques musicales, parfois sous forme de bande dessinée et d'illustration. c'est encore un autre médium que j'explore parce que j'explore beaucoup en ce moment. On a vu la science-fiction, la sexualité. Finalement, je suis une grande mélomane dans la vie, fait que j'ai trouvé le moyen d'allier mes deux plus grandes passions, qui est la BD, l'illustration avec la musique. Donc, c'est pas mal ce qu'on peut voir dans mes travaux qui est publié au grand public. Sinon, ben, il faudra être patient un peu parce que je suis un peu en train de m'éparpiller. Mais probablement une exposition dans les prochains mois, idéalement. Mais c'est une histoire à suivre. Alors, on suit tout ça, mais d'ici là, donc, on a quand même trois lieux à court terme où on peut te retrouver, donc, dans Zidara 9, volume 10, dans Crémage, le prochain collectif, et également, donc, sur écoutedonc.ca pour voir un peu le côté journaliste musical et BD qu'on propose. Ariel, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi, Raymond, de l'invitation. Ça me fait plaisir. Et donc, nous, on retourne en musique, toujours ici sur les ondes du 89.1. On est rendu dans la dernière ligne droite de la vie en BD, dernière ligne droite qu'on passe en compagnie de nos libraires en résidence et de chez Pantoute, Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Première de l'année. Première de l'année. Ma première de l'année. Toujours un peu retardement. En fait, le début d'automne est tellement chargé. Mais on te connaît, hein? On le sait que tu gardes le meilleur pour la fin. Exactement. Et en même temps, Marco, j'ai l'impression, même pour vous comme libraire, dans la rentrée, il y a une quantité incommensurable d'ouvrages qui arrivent en rafale. Là, t'as pas idée. Tout la fin de l'été, le début de l'automne a été, somme toute, assez au ralenti, avec quelques sorties ici et là. Mais depuis deux semaines, on sait plus où donner de la tête. Il sort de nouveaux albums, de nouvelles séries, puis là on s'est vraiment plus donner de la tête. En fait, c'est quasiment du plein temps à se mettre au courant et à jour dans toutes ces nouveautés. Et tu nous arrives avec quelques titres pour cette semaine. On va se lancer parce qu'il y en a quand même plusieurs et le temps file. Alors Marco, premier titre que je te lance, Là où vont les fourmis. En fait, Là où vont les fourmis, c'est plus un coup de cœur de ma part pour les deux auteurs qui, depuis que je suis rentré en librairie il y a quasiment 30 ans maintenant, et ces deux auteurs que j'ai toujours suivis avec beaucoup d'assiduité. Et Michel Plexis au dessin, dans ce cas-ci. Michel Plexis avait une série il y a très longtemps qui s'appelait Julien Boisvert, les aventures de Julien Boisvert, un des premiers héros du quotidien, l'aventurier du quotidien qu'on voyait vieillir dans une série de 4 albums, du jeune adulte jusqu'à papa. Il découvrait qu'il était papa dans le dernier album, la relation père-fils. Michel Plexis qui a adapté Le vent dans les saules, cette série magnifique pour jeunes, et lui en avait fait quelque chose, un petit bijou de BD jeunesse. Ensuite, il avait poursuivi cette aventure dans Le vent dans les sables. Il avait pris les personnages, il les avait amenés ailleurs. Alors, moi, j'ai toujours été très attaché à ce qu'il a fait. Il avait disparu un peu. Et Franck Le Gall, qui est... pour moi, après Tintin, Théodore Poussin est une des plus grandes... série de bandes dessinées que j'ai lues. Et là, il revient avec un nouveau Théodore Poussin à l'automne 2017, tu savais? Oui. Alors, il fournit le scénario à Michel Plexis et il nous donne ce petit conte pour jeunes et moins jeunes, parce que tout le monde peut lire Là où vont les fourmis. Un petit conte qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui ne va pas à l'école. Qui bon, dans un pays arabe, somme toute, je pense qu'il est même pas nommé. Et il passe ses journées à observer les gens, à observer autour de lui et observer des fourmis qui se déplacent. Oh. Ses observations se produisent tous les jours, mais il peut pas dépasser la ville. Donc, les fourmis, il sait pas où ils vont, où elles vont. Et un jour, son grand-père vient le chercher. Il dit, sais-tu qui je suis? Oui, non, je suis ton grand-père. Il l'amène hors de la ville, tiens donc. Et il lui montre un troupeau de chèvres. Il dit, garde les chèvres, moi je dois aller en pèlerinage, je suis jamais allé. Et à partir de ce moment-là, le petit garçon doit guetter les chèvres. Et il va découvrir tout un monde. D'abord, une vieille chèvre qui se met à lui parler et à lui conseiller plein de choses. Et une pléiade de personnages un peu fous vont débarquer et il va enfin pouvoir suivre les fourmis. C'est pratiquement une fable, tout ça. C'est une jolie fable. Dessiné réaliste, imaginaire, comment? En fait, à part la chèvre qui parle et qui conseille, on reste quand même dans une certaine réalité. En fait, on reste dans une espèce de réalisme un peu extraordinaire. Et somme toute, au fil du compte, le grand-père va revenir et bien évidemment, le petit garçon passera pas sa vie comme gardien de chèvres. Il va passer à autre chose. Mais en fait, c'est une fable à lire en famille, une fable à lire avec les petits, une fable à lire pour soi. C'est vraiment un joli album. Alors ça, c'est Là où vont les fourmis, donc c'est chez Casterman. Marco, autre titre, et nouveau Neil Gaiman d'ailleurs, Le premier meurtre. Ouais, moi, là, à partir d'ici, je veux qu'on prenne en compte que ce ne serait pas objectif. Ah. Alors, pour moi, Neil Gaiman, c'est l'écrivain ultime, c'est l'écrivain à son apogée. Là. Il a créé dans les années 80 un chef-d'œuvre de la bande dessinée du 20e siècle, Sandman, une espèce de masterpiece. C'est un mythe, Aster Sandman. Là, ah oui, ouais, écoute, d'ailleurs... Gordon Lewitt, l'acteur, a acheté les droits pour le porter au cinéma, mais ça fait 10 ans qu'il bûche sur un scénario parce que c'est difficile de raconter ou de... Peu importe, Neil Gaiman, c'est un grand artiste qui a tout fait. Du livre pour enfants, on pense à Coraline, on pense à Le loup dans les murs, en passant par le roman adolescent, là, Stardust et d'autres. Et... il écrit des nouvelles, il écrit des romans, il écrit des séries télé, il a écrit des épisodes pour Doctor Who. C'est un British, évidemment, son rêve était d'écrire des... Et là, il avait écrit, il y a quelques années, il avait écrit une nouvelle radiophonique. Une nouvelle radiophonique qui s'appelait Le premier meurtre. Et un de ses comparses qui avait travaillé avec lui... dans Sandman, dans la série Sandman, qui est Philip Greg Russell, un dessinateur, un artiste accompli, qui fait du comic book, mais très rarement, il fait plus du roman graphique. Alors, il a décidé d'adapter ce premier meurtre, encore une fois, on est dans la fable, mais pour adultes. Alors, ce premier meurtre, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où l'univers n'est pas créé, Dieu en est ou celui dont on tait le nom, parce qu'il porte pas le nom de Dieu, le nom, on l'appelle le nom. Alors, un ange, en fait, ça se passe à Los Angeles et un type, après avoir rencontré une ex, s'assoit sur un banc à Los Angeles pendant une nuit et un vieux monsieur, en échange d'une cigarette, lui raconte cette histoire. Il dit qu'il est l'ange vengeur, je me rappelle plus donc du nom. Et là, il raconte que quand il était un ange au paradis, mais dans ce lieu où on était en train de construire l'univers et tout ce qui allait le composer, un ange, l'ange vengeur, attendait patiemment. Et un jour, on est venu le chercher. Et cet ange vengeur, on lui demande de résoudre un meurtre. On a trouvé un ange décédé, comme ça, sur le trottoir de la cité du paradis. Et là, cet ange vengeur va enquêter. Et là, on a le droit à un polar. Un polar, mais j'imagine dans un univers quand même assez particulier. Oh oui, les anges unisexes. Et là, l'ange vengeur enquête, va voir un ange. Et là, il découvre que L'univers est en chantier et chaque ange est en train de travailler sur des choses en particulier, dont l'ange qui était décédé travaillait sur le concept de la mort. Alors, il pousse l'enquête. Est-ce qu'il désirait vraiment aller jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que la mort? Non, il faut parler à celui qui travaillait avec lui, qui travaillait sur l'amour. Alors, va voir l'ange qui travaillait sur l'amour et un travaillait sur l'univers. Bref, l'enquête se poursuit et là, on voit apparaître des anges qu'on connaît un peu, comme l'ange Lucifer. On sait que Lucifer, avant d'aboutir à l'enfer, en enfer, était un ange du paradis. Alors, bref, toute cette histoire, toute cette fable, tout ce faux polar, c'est le jeune homme qui se le fait raconter par le vieil homme qui finit par partir et évidemment ça a l'air vraiment intriguant tout ça. Ah oui, c'est et le rythme se tient ça. Tout ça, à fait. Ouais. Philip Gregg Russell est un artiste accompli. Il nous le raconte d'une façon. Et là, à la toute fin du volume, la version française qui est parue chez Delcourt, à la toute fin, on a une longue entrevue avec justement l'artiste Philip Gregg Russell qui nous raconte comment il a adapté ça. Comment il a adapté ça graphiquement? Pourquoi il a découpé la narration comme ça? Pourquoi, quelle couleur il a mis? Et c'est magnifique. Là, on a l'envers du décor. On a là où travaille l'artiste. On est quasiment dans son atelier, au-dessus de son épaule, en train de travailler à la chose. Un magnifique album. Alors ça, c'est Le Premier Meurtre, donc, de Neil Gaiman et Craig Russell. Dernier titre. Il nous reste deux minutes à peu près pour faire le tour. Karma City. Écoute, rapidement, là, c'est moi, ça va être en deux parties. Cette partie, au-delà de 150 pages, là, c'est vraiment solide. C'est un truc de science-fiction. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la science-fiction qui nous trille depuis Orbital, je dirais. Okay. Et là, si tu cites Orbital, je fais une parenthèse pour dire que Marco adore Orbital. T'as une de tes bonnes séries de science-fiction c'est BD. C'est une des Donc, si tu nous sors ça, si tu nous sors ça comme référence, c'est bon signe. Oui. Alors, Karma City est Pierre-Yves Gabrion, auteur unique sur cet album. Le dessin me rappelle l'énergie de Mézières pour Valérian. On nous situe dans un temps futur où le karma est important, les bonnes actions, on est tous dans une grande ville avec des montres qui gèrent notre karma. On fait des bonnes actions, on a un bon karma. On fait de mauvaises actions, on a de mauvais karma. Et des fois, ça nous interdit certains endroits de la ville. Des fois, on est arrêté pour mauvais karma. Bref, mais le tout commence avec une mort suspecte, donc un trio d'enquêteurs, une jeune recrue prend l'enquête avec un vieux routier qui lui contourne un peu les lois de temps en temps et un technocrate un peu pissou. Donc tout le premier album, toute cette première partie est une enquête policière et à la toute fin commence la conspiration, je dirais futuriste, qui va nous amener vers autre chose. Je veux dire, n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose de vraiment bien ficelé, un bon truc policier, mais surtout avec du potentiel de science-fiction pour la prochaine partie, là, n'hésitez pas, c'est Karma City chez Dupuis. Ben, Marco Duchesne, merci beaucoup. Plaisir. Et nous, en fait, pour chers auditeurs, auditrices, on ne se revoit pas la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, donc le 4 novembre. Par contre, on se retrouve le 11, et le 11, moi et Marco, on va partager un invité, lui à la bibliothèque, moi à la radio. Alors Guy Delisle va être de passage pour nous parler de S'enfuir. Alors, une occasion d'écouter une entrevue, puis ensuite d'aller le rencontrer chez Pantoute tout de suite après. Oui, on fait un peu un petit doublé. Alors, voilà, donc c'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine. Restez à l'écoute de ces querelles dans quelques instants, bière et culture.